Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 59. Voici que la main du Seigneur n'est point raccourcie pour ne pouvoir sauver, et son oreille n'est point appesantie pour ne pas écouter. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous écoutât point. Car vos mains se sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres ont parlé le mensonge, votre langue profère l'iniquité. Il n'est personne qui invoque la justice, et il n'est personne qui juge dans la vérité. Mais ils se confient au néant, et ne font entendre que des paroles vaines. Ils ont conçu la peine, et ils ont enfanté l'iniquité. Ils ont fait éclore des œufs d'aspic, et ils ont ourdi des toiles d'araignée. Celui qui mangera de leurs œufs mourra. Et de ce qui aura été couvé sortira un basilic. Leurs toiles ne serviront pas de vêtements, ils ne se revêtiront pas de leurs œuvres. Leurs œuvres sont inutiles, et une œuvre d'iniquité est dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent pour répandre un sang innocent. Leurs pensées sont des pensées inutiles, le ravage et la destruction sont dans leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix, et il n'y a pas de jugement dans leur démarche. Leurs sentiers sont devenus tortueux pour eux. Quiconque y marche ignore la paix. À cause de cela, le jugement s'est éloigné de vous, et la justice ne vous atteindra pas. Nous avons attendu la lumière, et voilà les ténèbres. La splendeur du jour, et c'est au milieu des ténèbres que nous avons marché. Comme des aveugles, nous nous sommes attachés à la muraille. Et comme privés de nos yeux, nous avons marché à tâtons. Nous nous sommes heurtés en plein midi, de même qu'au milieu des ténèbres. Nous sommes dans des lieux obscurs comme les morts. Nous rougirons tous comme des ours, et comme les colombes méditant, nous gémirons. Nous avons attendu le jugement, et il n'est pas venu. Le salut, et il s'est éloigné de nous. Car nos iniquités se sont multipliées devant vous. Et nos péchés nous ont répondu, parce que nos crimes sont avec nous, et nous avons connu nos iniquités. Pécher et mentir contre le Seigneur. Et nous nous sommes détournés pour ne pas suivre notre Dieu, pour proférer la calomnie et la révolte. Nous avons conçu et proféré de notre cœur des paroles de mensonge. Et le jugement est retourné en arrière, et la justice s'est tenue au loin. Parce que la vérité est tombée sur la place publique et l'équité n'a pu y entrer. Et la vérité est devenue en oubli. Et celui qui s'est retiré du mal a été exposé en proie. Le Seigneur l'a vu, et mal a paru à ses yeux qu'il n'y eut point de justice. Et il a vu qu'il n'y avait point d'homme. Et il s'est étonné que personne ne s'opposât à ses maux. Et son propre bras l'a sauvé, et sa justice elle-même l'a soutenu. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et le casque de salut a été sur sa tête. Il s'est revêtu des vêtements de vengeance, et il s'est couvert comme d'un manteau de zèle. Comme pour exercer sa vengeance, comme pour imposer le salaire de son indignation à ses ennemis, et payer de retour ses adversaires. Aux îles il rendra la pareille, et ils craindront ceux qui sont de l'Occident le nom du Seigneur, et ceux qui sont du Levant sa gloire. Lorsqu'il viendra, comme un fleuve impétué, que le souffle du Seigneur agite, et que viendra un rédempteur pour Sion, et pour ceux qui sont dans Jacob reviennent de l'iniquité, dit le Seigneur. Voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui est en toi, et mes paroles que j'ai mises en ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, depuis ce moment jusque dans l'éternité, dit le Seigneur. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.